ma brume s'installe. Chaque mot tombe, chaque souffle y s'étale. Rider's Kill murmure, son nom s'élève. La foule s'incline, la vase s'achève. Ton nom s'enroule autour de ma peau. Chaque parole me brûle de trop. Ce qui est le charme, ces murmures serrés, la fureur succombe, happé, figé. Spring.